Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 7e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Géricault, suite. 9 novembre 1832. Le climat, à l'exception de quelques coups de vent sur la mer et de quelques orages de pluie vers le milieu du jour, est aussi beau qu'au mois de mai en France. Aussitôt que les pluies ont commencé, c'est un printemps nouveau qui commence. Les murailles des terrasses qui soutiennent les pentes cultivées du Liban et les collines fertiles des environs de Beyrouth se sont tellement couvertes de végétation en peu de jours, que la terre est entièrement cachée sous la mousse, l'herbe, les lianes et les fleurs. L'orge vert tapisse tous les champs, qui n'étaient que poussière à notre arrivée. Les mûriers, qui poussent leurs secondes feuilles, forment, tout autour des maisons, des forêts impénétrables au soleil. On aperçoit, çà et là, les toits des maisons disséminées dans la plaine, qui sortent de cet océan de verdure, et les femmes grecques et syriennes dans leurs riches et éclatants costumes, semblables à des reines qui prennent l'air sur les pavillons de leurs jardins. De petits sentiers encaissés dans le sable conduisent de maisons en maisons, d'une colline à l'autre, à travers ces jardins continus qui vont de la mer jusqu'au pied du Liban. En les suivant, on trouve tout à coup, sur le seuil de ces petites maisons, les scènes les plus ravissantes de la vie patriarcale. Ce sont les femmes et les jeunes filles accroupies sous le mûrier ou le figuier, à leur porte, qui brodent les riches tapis de laine aux couleurs heurtées et éclatantes. D'autres, attachant les bouts de fil de soie à des arbres éloignés, les dévident en marchant lentement et en chantant d'un arbre à l'autre. Des hommes marchant, au contraire, en reculant d'arbre en arbre, occupés à faire des étoffes de soie, et jetant la navette qu'un autre homme leur renvoie. Les enfants sont couchés dans des berceaux de joncs ou sur des nattes, à l'ombre. Quelques-uns sont suspendus aux branches des orangers. Les gros moutons de Syrie, à la queue immense et traînante, trop lourds pour pouvoir se remuer, sont couchés dans des trous qu'on creuse exprès dans la terre fraîche devant la porte. Une ou deux belles chèvres à longues oreilles pendantes comme celles de nos chiens de chasse, et quelquefois une vache, complètent le tableau champêtre. Le cheval du maître est toujours là aussi, couvert de son harnais magnifique, et prêt à être monté. Il fait partie de la famille, et semble prendre intérêt à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit autour de lui. Sa physionomie s'anime comme celle d'un visage humain. Quand l'étranger paraît et lui parle, il dresse ses oreilles, il relève ses lèvres, ride ses naseaux, tend sa tête au vent, et flaire l'inconnu qui le flatte. Ses yeux doux, mais profonds et pensifs, brillent, comme deux charbons, sous la belle et longue crinière de son front. Les familles grecques, syriennes et arabes de cultivateurs, qui habitent ces maisons au pied du Liban, n'ont rien de sauvage ni rien de barbare. Plus instruits que les paysans de nos provinces, ils savent tous lire, entendent tous deux langues, l'arabe et le grec. Ils sont doux, paisibles, laborieux et sobres. Occupés toute la semaine des travaux de la terre ou de la soie. Ils se délassent le dimanche en assistant avec leur famille, aux longs et spectaculeux offices du culte grec ou syriaque. Ils rentrent ensuite à la maison, pour prendre un repas un peu plus recherché que les jours ordinaires. Les femmes et les jeunes filles, parées de leurs plus riches habits, et les cheveux tressés tout parsemés de fleurs d'oranger, de giroflées ponceaux et d'œillets, reste assis sur des nattes, à la porte de la maison, avec leurs voisines et leurs amis. Il serait impossible de peindre avec la plume les groupes admirables de pittoresques, de richesse de costumes et de beauté que ces femmes forment alors dans la campagne. Je vois là tous les jours des visages de jeunes femmes ou de jeunes filles que Raphaël n'avait pas entrevues, même dans ses songes d'artiste. C'est bien plus que la beauté italienne et que la beauté grecque. C'est la pureté de forme, la délicatesse de contour, en un mot, tout ce que l'art grec et l'art romain nous ont laissé de plus accompli. Mais cela est rendu plus enivrant encore par une naïveté primitive et simple d'expression, par une langueur sereine et voluptueuse, par un jour céleste que le regard des yeux bleus bordés de cils noirs répand sur les traits, et par une finesse de sourire, une harmonie de proportion, une blancheur animée de la peau, une transparence indescriptible du teint, un vernis métallique des cheveux, une grâce de mouvement, une étrangeté d'attitude et un son perlé et vibrant de la voix, qui font de la jeune Syrienne la houri du paradis des yeux. Ces beautés admirables et variées sont aussi extrêmement communes. Je ne marche jamais une heure dans la campagne sans en rencontrer plusieurs allant aux fontaines ou revenant avec leurs urnes étrusques sur l'épaule, et leurs jambes nues entourées de bracelets d'argent. Les hommes et les jeunes garçons vont le dimanche s'asseoir, pour tout délassement, sur des nattes étendues au pied de quelques grands sycomores, non loin d'une fontaine. Ils restent là immobiles tout le jour, à conter des histoires merveilleuses, buvant de temps en temps une tasse de café ou une tasse d'eau fraîche. Les autres vont sur le haut des collines, et vous les voyez là paisiblement groupés sous leurs vignes ou leurs oliviers, paraissant jouir avec délice de la vue de la mer que ces coteaux dominent, de la limpidité du ciel, du chant des oiseaux, et de toutes ces voluptés instinctives de l'homme pur et simple, que nos populations ont perdu pour l'ivresse bruyante du cabaret ou les fumées de l'orgie. Jamais plus belles scènes de la création ne furent peuplées et animées de plus pures et plus belles impressions. La nature ici est véritablement un hymne perpétuel à la bonté du Créateur, et aucun ton faux, aucun spectacle de misère ou de vice, ne trouble, pour l'étranger, la ravissante harmonie de cet hymne. Hommes, femmes, oiseaux, animaux, arbres, montagnes, mer, ciel, climat, tout est beau, tout est pur, tout est splendide et religieux. 10 novembre 1832. Ce matin, je suis allé errer de bonne heure avec Julia sur la colline que les Grecs nomment San Dimitri, à une lieue environ de Beyrouth, en se rapprochant du Liban, et, en suivant obliquement la courbe de la ligne de la mer. Deux de mes Arabes nous accompagnaient, l'un pour nous guider, l'autre pour se tenir la tête du cheval de Julia, et la recevoir dans ses bras si le cheval s'animait trop. Quand les sentiers devenaient trop rapides, nous laissions nos montures un moment, et nous parcourions à pied les terrasses naturelles ou artificielles qui forment des gradins de verdure de toute la colline de San Dimitri. Dans mon enfance, je me suis représenté souvent ce paradis terrestre, cet Éden que toutes les nations dans leurs souvenirs, soit comme un beau rêve, soit comme une tradition d'un temps et d'un séjour plus parfait. J'ai suivi Milton dans ses délicieuses descriptions de ce séjour enchanté de nos premiers parents. Mais ici, comme en toute chose, la nature surpasse infiniment l'imagination. Dieu n'a pas donné à l'homme de rêver aussi beau qu'il a fait. J'avais rêvé Éden, je puis dire que je l'ai vu. Quand nous eûmes marché une demi-heure sous les arceaux de nos pales qui encaissent tous les sentiers de la plaine, nous commençâmes à monter par de petits chemins plus étroits et plus escarpés qui arrivent tous à des plateaux successifs, d'où l'horizon de la campagne, de la mer et du Liban, se découvre successivement davantage. Ces plateaux, d'une médiocre largeur, sont tous entourés d'arbres forestiers inconnus à nos climats, et dont j'ignore malheureusement la nomenclature, mais leur tronc, le port de leurs branches, les formes neuves et étranges de leurs cimes coniques, échevelées, pyramidales, ou s'étendant comme des ailes, donne à cette bordure de végétation une grâce et une nouveauté d'aspect qui signale assez l'Asie. Leurs feuillages aussi ont toutes les formes et toutes les teintes, depuis la noire verdure du cyprès jusqu'au vert gris de l'olivier, jusqu'au jaune du citronnier et de l'oranger, depuis les larges feuilles du mûrier de la Chine, dont chacune suffirait pour cacher le soleil au front d'un enfant, jusqu'aux légères découpures de l'arbre à thé, du grenadier, et d'autres innombrables arbustes dont les feuilles ressemblent aux feuilles du persil, et jettent comme de légères draperies de dentelle végétale entre l'horizon et vous. Le long de ces lisières de bois règne une lisière de verdure qui se couvre de fleurs à leur ombre. L'intérieur des plateaux est semé d'orges, et, à un angle quelconque, deux ou trois têtes de palmiers, où le dôme sombre et arrondi du caroubier colossal, indique la place où un cultivateur arabe a bâti sa cabane, entouré de quelques plants de vigne, d'un fossé défendu par des palissades vertes de figuiers d'un couvert de leurs fruits épineux, et d'un petit jardin d'orangers semé d'œillets et de giroflées pour l'ornement des cheveux de ses filles. Quand par hasard le sentier nous conduisait à la porte de ces maisons enfoncées, comme des nids humains, dans ces vagues de verdure, nous ne voyons, sur la physionomie de ces heureux et bons habitants, ni surprise, ni humeur, ni colère. Ils nous saluaient, en souriant à la beauté de Julia, du salut pieux des Orientaux, Sabah el Kahir. Que le jour soit béni pour vous. Quelques-uns nous priaient de nous arrêter sous leurs palmiers. Ils apportaient, selon leur richesse, ou une natte ou un tapis, et nous offraient des fruits, du lait, ou des fleurs de leur jardin. Nous acceptions quelquefois, et nous leur promettions de revenir leur apporter à notre tour quelque chose d'Europe. Mais leur politesse et leur hospitalité n'étaient nullement intéressées. Ils aiment les francs, qui savent guérir de toutes les maladies, qui connaissent les vertus de toutes les plantes, et qui adorent le même Dieu qu'eux. D'un de ces plateaux nous montions à un autre, même scène, mêmes enceintes d'arbres, même mosaïque de végétation sur le terrain qu'elles entourent, seulement, de plateau en plateau, le magnifique horizon s'élargissait, les plateaux inférieurs s'étendaient comme un damier de toutes couleurs, où les haies d'arbustes, rapprochés et groupés par l'optique, formaient des bois et des taches sombres sous nos pieds. Nous suivîmes ces plateaux de collines en collines, redescendant de temps en temps dans les vallons qui les séparent, vallons mille fois plus ombragés, plus délicieux encore que les collines. Tous voilés par les rideaux d'arbres des terrasses qui les dominent, tous ensevelis dans ces vagues de végétation odorante, mais ayant tous cependant à leur embouchure une étroite échappée de vue sur la plaine et sur la mer. Comme la plaine disparaît à cause de l'élévation de ces vallées, elle semble déboucher immédiatement sur la plage. Leurs arbres se détachent en noir sur le bleu des vagues, et nous nous amusions quelquefois, assis au pied d'un palmier, à voir les voiles des vaisseaux, qui étaient en réalité à 4 ou 5 lieues de nous, glisser lentement d'un arbre à l'autre comme s'ils eussent navigué sur un lac, dont ces vallons étaient immédiatement le rivage. Nous arrivâmes enfin, par le seul hasard de nos pas, au plus complet et au plus enchanté de ces paysages, j'y reviendrai souvent. C'est une vallée supérieure, ouverte de l'Orient à l'Occident, et encaissée dans les plis de la dernière chaîne de collines qui s'avance sur la grande vallée où coule le Nahr Beyrouth. Rien ne peut décrire la prodigieuse végétation qui tapisse son lit et ses flancs. Bien que des deux côtés ses parois soient de rochers, elles sont tellement revêtues de lichens de toute espèce, si suintantes de l'humidité qui s'y distille goutte à goutte, si revêtues de grappes de bruyères, de fougères, d'herbes odoriférantes, de lianes, de lierres et d'arbustes enracinés dans leurs fentes imperceptibles, qu'il est impossible de se douter que ce soit la roche vive qui végète ainsi. C'est un tapis touffu d'un ou deux pieds d'épaisseur, un velours de végétation serrée, nuancé de teintes et de couleurs, semé partout de bouquets de fleurs inconnues, aux mille formes, aux mille odeurs, qui tantôt dorment immobiles comme les fleurs peintes sur une étoffe tendue dans nos salons, tantôt, quand la brise de la mer vient à glisser sur elles, se relève avec les herbes et les rameaux. D'où elle s'échappe comme la soie d'un animal qu'on caresse à rebrousse-poil, se nuance de teintes ondoyantes, et ressemble à un fleuve de verdure et de fleurs qui ruissellerait à vagues parfumées. Il s'en échappe alors des bouffées d'odeurs enivrantes, des multitudes d'insectes aux ailes colorées, des oiseaux innombrables qui vont se percher sur les arbres voisins. L'air est rempli de leurs voix qui se répondent, du bourdonnement des essaims de guêpes et d'abeilles, et de ce sourd murmure de la terre au printemps, que l'on prend, avec raison peut-être, pour le bruit sensible des mille végétations de sa surface. Les gouttes de rosée de la nuit tombent de chaque feuille, brillent sur chaque brin d'herbe, et rafraîchissent le lit de cette petite vallée à mesure que le soleil s'élève, et commence à faire glisser ses rayons au-dessus des hautes cimes d'arbres et des rochers qui l'enveloppent. Nous déjeunâmes là, sur une pierre, au bord d'une caverne où deux gazelles s'étaient réfugiées au bruit de nos pas. Nous nous gardâmes bien de troubler l'asile de ces charmants animaux, qui sont à ces déserts ce que l'agneau est à nos prés, ce que les colombes apprivoisées sont au toit ou au cours de nos cabanes. Toute la vallée est étendue des mêmes rideaux mobiles de feuillage, de mousse, de végétation. Nous ne pouvions retenir une exclamation à chaque pas. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu tant de vie dans la nature, accumulé et débordant dans un si petit espace. Nous suivîmes cette vallée dans toute sa longueur, nous asseyant de temps en temps là où l'ombre était la plus fraîche, et donnant ça et là un coup dans l'herbe avec la main, pour en faire jaillir les gouttes de rosée, les bouffées d'odeurs et les nuages d'insectes, qui s'élevaient de son sein comme de la poussière d'or. Que Dieu est grand! Que la source d'où toutes ces vies et ces beautés et ces bontés découlent doit être profonde et infinie. S'il y a tant à voir, à admirer, à s'étonner, à se confondre dans un seul petit coin de la nature, que sera-ce quand le rideau des mondes sera levé pour nous, et que nous contemplerons l'ensemble de l'œuvre sans fin? Il est impossible de voir et de réfléchir, sans être inondé de l'évidence intérieure où se réfléchit l'idée de Dieu. Toute la nature est semée de fragments étincelants de ce miroir où Dieu se peint. En arrivant vers l'embouchure occidentale de la vallée, le ciel s'élargit, ses parois s'abaissent, sa pente incline légèrement sous les pas, les cimes brillantes de neige du Liban se dressent dans le ciel ondoyant de vapeurs brûlantes. On descend, avec le regard, de ces neiges éternelles à ces noires taches de pin, de cyprès ou de cèdre, puis à ces ravines profondes où l'ombre repose comme dans son nid, puis, enfin, à ces pics de rochers couleur d'or, au pied desquels s'étendent les hauts maronites et les villages des Druzes. Tout finit par une bordure de forêt d'oliviers qui meurt sur les bords de la plaine. La plaine elle-même, qui s'étend entre les collines où nous étions et ses racines du haut Liban, peut avoir une lieue de large. Elle est sinueuse, et nous n'embrassions de l'œil qu'environ deux lieues de sa longueur. Le reste nous était caché par des mamelons couverts de noires forêts de pins. Le Nar Berut, ou fleuve de Berut, qui s'échappe, à quelques milles de là, d'une des gorges les plus profondes et les plus rocheuses du Liban, partage la plaine en deux. Il court gracieusement à plein bord, tantôt resserré dans ses rives bordées de joncs, semblables à des champs de sucre, tantôt extravasé dans les pelouses verdoyantes ou sous les lentisques, et jetant çà et là comme de petits lacs brillants dans la plaine. Tous ses bords sont couverts de végétation, et nous distinguions des ânes, des chevaux, des chèvres, des buffles noirs et des vaches blanches, répandues en troupeaux le long du fleuve, et des bergers arabes qui passaient le fleuve à gué sur le dos de leurs chameaux. On voyait aussi plus loin, sur les premières falaises de la montagne, des moines maronites, vêtus de leurs robes noires à capuchon de matelot, qui conduisaient silencieusement la charrue sous les oliviers de leurs champs. On entendait la cloche des couvents qui les rappelait de temps en temps à la prière. Alors ils arrêtaient leurs bœufs, appuyaient la perche contre le manche de la charrue, et, se mettant à genoux quelques minutes, ils laissaient souffler leur attelage, tandis qu'eux-mêmes aspiraient un moment au ciel. En avançant davantage encore, en commençant à descendre vers le fleuve, nous découvrîmes tout à coup la mer, que les parois de la vallée nous cachaient jusque-là, et l'embouchure plus large du Nar Berut qui s'y perdait. Non loin de cette embouchure, un pont romain presque en ruine, à arches très élevées sans parapet, traverse le fleuve. Une longue caravane de Damas, allant à Alep, y passait dans ce moment même. On les voyait un à un, ceux-ci sur un dromadaire, ceux-là sur un cheval, sortir des roseaux qui ombragent les culées du pont, gravir lentement le sommet des arches, se dessiner là un moment sur le bleu de la mer avec leurs montures et leurs costumes éclatants et bizarres, puis redescendre de cette cime de ruines, et disparaître avec leurs longues files d'ânes et de chameaux sous les touffes de roseaux, de lauriers roses et de platanes, qui ombragent l'autre rive du fleuve. Un peu plus loin on les voyait reparaître sur la grève de sable où les hautes vagues venaient rouler leurs franges d'écume jusque sous les pieds des montures. D'immenses rochers à pic d'un cap avancé les cachaient enfin, et, se prolongeant dans la mer, bornaient l'horizon de ce côté. À l'embouchure du fleuve, la mer était de deux couleurs, bleue et verte au large, et étincelante de diamants mobiles. Jaune et terne à l'endroit où les eaux du fleuve luttaient avec ses vagues et les teignaient de leur sable d'or, qu'elles entraînent sans cesse dans cette rade. 17 navires, à l'ancre dans ce golfe, se balançaient pesamment sur les grosses lames qui le sillonnent toujours, et leur mât s'élevait et s'abaissait comme de longs roseaux au souffle du vent. Les uns avaient leurs mâts nus comme des arbres d'hiver, les autres, étendant leurs voiles pour les faire sécher au soleil, ressemblaient à ces grands oiseaux blancs de ces mers, qui planent sans qu'on voie trembler leurs ailes. Le golfe, plus éclatant que le ciel qui le couvre, réfléchissait une partie des neiges du Liban, et les monastères aux murs crénelés, debout sur les pics avancés. Quelques barques de pêcheurs passaient à pleine voile, et venaient s'abriter dans le fleuve. La vallée sous nos pas, les pentes vers la plaine, le fleuve sous les arches pyramidales, la mer avec ses anses dans les rochers, l'immense bloc du Liban avec les innombrables accidents de sa structure, ces pyramides de neige allant s'enfoncer, comme des cônes d'argent, dans les profondeurs du ciel, où l'œil les cherchait comme des étoiles, les bruits insensibles des insectes autour de nous, le chant des mille oiseaux sur les arbres, les mugissements des buffles ou les plaintes presque humaines du chameau des caravanes, Le retentissement sourd et périodique des larges lames brisant sur le sable à l'embouchure du fleuve. L'horizon sans fin de la Méditerranée. L'horizon serpentant et vert du lit du Nar Beyrouth à droite. La muraille crénelée et gigantesque du Liban en face. Le dôme rayonnant et serein du ciel échancré seulement par les cimes des monts, ou par les têtes aux formes coniques des grands arbres. La tiédeur, le parfum de l'air, où tout cela semblait nager, comme une image dans l'eau transparente d'un lac de la Suisse. Tous ces aspects, tous ces bruits, toutes ces ombres, toute cette lumière, toutes ces impressions, formaient, de cette scène, le plus sublime et le plus gracieux paysage dont mes yeux se fussent enivrés jamais. Qu'était-ce donc pour Julia? Elle était toute émue, toute rayonnante, toute tremblante de saisissement et de volupté intérieure. Et moi, j'aimais à graver de tels spectacles dans son imagination d'enfant. Dieu s'y peint mieux que dans les lignes d'un catéchisme. Il s'y peint en très digne de lui. La souveraine beauté, l'immense bonté d'une nature accomplie, le révèle, tel qu'il est, à l'âme de l'enfant. Cette beauté physique et matérielle se traduit pour elle en sentiment de beauté morale. On fait voir à l'artiste les statues de la Grèce pour lui inspirer l'instinct du beau, il faut faire voir à l'âme jeune les grandes et belles scènes de la nature, pour que l'image qu'elle se forme de son auteur soit digne d'elle et de lui. Nous remontâmes à cheval au pied de la colline, dans la plaine au bord du fleuve, nous traversâmes le pont, nous gravîmes quelques coteaux boisés du Liban, jusqu'au premier monastère, qui s'élevait, comme un château fort, sur un piédestal de granit. Les moines me connaissaient par les rapports de leurs arabes, et me reçurent dans le couvent. Je parcourus les cellules, le réfectoire, les chapelles. Les moines, rentrant du travail, étaient occupés dans la vaste cour à dételer les bœufs et les buffles. Cette cour avait l'aspect d'une cour de grande ferme. Elle était encombrée de charrues, de bétail, de fumier, de volailles, de tous les instruments de la vie rustique. Le travail se faisait sans bruit, sans cri, mais sans affectation de silence, et comme par des hommes animés d'une décence naturelle, mais non commandés par une règle sévère et inflexible. Les figures de ces hommes étaient douces, sereines, respirant la paix et le contentement, aspect d'une communauté de laboureurs. Quand l'heure du repas eut sonné, ils entrèrent au réfectoire, non pas tous ensemble, mais un à un ou deux à deux, selon qu'ils avaient terminé plus tôt ou plus tard leur travail du moment. Ce repas consistait, comme tous les jours, en deux ou trois galettes de farine pétrie et séchée, plutôt que cuite, sur la pierre chaude, de l'eau, et cinq olives confites dans l'huile. On y ajoute quelquefois un peu de fromage ou de lait aigri. Voilà toute la nourriture de ces cénobites. Ils la prennent debout ou assis sur la terre. Tous les meubles de nos contrées leur sont inconnus. Après avoir assisté à leur dîner, et mangé nous-mêmes un morceau de galette et bu un verre d'excellent vin du Liban que le supérieur nous fit apporter, nous visitâmes quelques-unes des cellules. Elles sont toutes semblables. Une petite chambre de 5 ou 6 pieds carrés, avec une natte de jonc et un tapis. Voilà tous les meubles, quelques images de saints clouées contre la muraille, une Bible arabe, quelques manuscrits syriaques. Voilà toute la décoration. Une longue galerie intérieure, couverte en chaume, sert d'avenue à toutes ces chambres. La vue dont on jouit des fenêtres du monastère, et de presque tous ces monastères, est admirable. Les premières pentes du Liban sous le regard, la plaine et le fleuve de Beyrouth, les dômes aériens des forêts de pins. tranchant sur l'horizon rouge du désert de sable, puis la mer encadrée partout dans ses caps, ses golfes, ses anses, ses rochers, avec les voiles blanches qui la traversent en tous sens, voilà l'horizon sans cesse sous les yeux de ces moines. Ils nous firent plusieurs présents de fruits secs et d'outres de vin qui furent chargés sur des ânes, et nous les quittâmes pour revenir par un autre chemin à Beyrouth. Je parlerai de plus tard. Nous descendîmes par des degrés escarpés, taillés dans les blocs détachés d'un grès jaune et tendre qui couvre tous les premiers plans du Liban. Le sentier circule à travers ces blocs. Dans les interstices du rocher, quelques arbustes et quelques herbes s'enracinent. Il y a des fleurs admirables, pareilles aux tulipes de nos jardins, mais infiniment plus larges. Nous fîmes lever plusieurs gazelles et quelques chacals, qui s'abritent dans les creux formés par ces rochers. Une grande quantité de perdrix, de cailles et de bécasses s'envolèrent au bruit des pas de nos chevaux. Arrivés à la plaine, nous retrouvâmes la culture de la vigne, de l'orge, du palmier. Nous en traversâmes la moitié à peu près au milieu de cette riche végétation, et nous nous trouvâmes bientôt au pied d'un large mamelon couvert d'une forêt de pins d'Italie, avec de larges clairières où nous apercevions de loin des troupeaux de chameaux et de chèvres. Ce mamelon nous cachait le Nahr Beyrouth, que nous voulions traverser dans sa partie méridionale. Nous nous enfonçâmes sous les voûtes élevées de ces beaux pins parasols, et, après avoir marché environ un quart d'heure à leur ombre, nous entendîmes tout à coup de grands cris, le bruit des pas d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants qui accouraient de notre côté, les roulements de tambours, les sons de la musette et du fifre. En un instant nous fûmes cernés par 500 ou 600 arabes d'un aspect étrange. Les chefs, revêtus de magnifiques costumes, mais sales et en lambeaux, s'avancèrent vers nous, à la tête de leur musique. Ils s'inclinèrent et nous firent des compliments, en apparence très respectueux, mais que nous ne pûmes comprendre. Leurs gestes et leurs clameurs, accompagnés des gestes et des clameurs de la tribu tout entière, nous aidèrent à interpréter leurs paroles. Ils nous priaient et nous forcèrent, pour ainsi dire, de les suivre dans l'intérieur de la forêt, où leur camp était tendu. C'était une des tribus de Kurdes qui viennent, des provinces voisines de la Perse, passer l'hiver, tantôt dans les plaines de la Mésopotamie, aux environs de Damas, tantôt dans celles de la Syrie, emmenant avec eux leurs familles et leurs troupeaux. Ils s'emparent d'un bois, d'une plaine, d'une colline abandonnée, et s'y établissent ainsi pour 5 ou 6 mois. Beaucoup plus barbares que les Arabes, on redoute en général leurs invasions et leur voisinage, ce sont les Bohémiens armés de l'Orient. Entourés de cette foule d'hommes, de femmes et d'enfants, nous marchâmes quelques minutes au son de cette musique sauvage et au cri de cette multitude, qui nous regardait avec une curiosité moitié rieuse, moitié féroce. Nous nous trouvâmes bientôt au milieu du camp, devant la porte de la tente d'un des cheiks de la tribu. Ils nous firent descendre de cheval, remirent nos chevaux, qu'ils admiraient beaucoup, à la garde de quelques jeunes Kurdes, et nous apportèrent des tapis de karamani, sur lesquels nous nous assîmes au pied d'un arbre. Les esclaves du cheikh nous présentèrent les pipes et le café, les femmes de la tente apportèrent du lait de chamelle pour Julia. La vue de ce camp de barbares nomades, au milieu d'une sombre forêt de pins, mérite qu'on la décrive. La forêt, dans cet endroit, était clairsemée et entrecoupée de larges clairières. Au pied de chaque arbre, une famille avait sa tente, ces tentes n'étaient, pour la plupart, qu'un morceau de toile noire, deux poils de chèvre, attachés au tronc de l'arbre par une corde, et, de l'autre côté, supportés par deux piquets plantés en terre. La toile souvent n'entourait pas tout l'espace occupé par la famille, mais un lambeau seulement retombait du côté du vent ou du soleil, et abritait l'air de la tente et le feu du foyer. On n'y voyait aucun meuble, si ce n'est des jarres de terre noirâtres, couchées sur le flanc, dans lesquelles les femmes vont puiser l'eau. Quelques outres de peau de chèvre, des sabres et de longs fusils suspendus en faisceaux aux branches des arbres, les nattes, les tapis, et quelques vêtements d'hommes ou de femmes, jetés çà et là sur le sol. Quelques-uns de ces arabes avaient deux ou trois coffres carrés, de bois peint en rouge, avec des dessins de clous à tête dorée, pour contenir leurs effets. Je ne vis que deux ou trois chevaux dans toute la tribu. Le plus grand nombre des familles n'avait autour de la tente qu'un chameau couché, ruminant avec sa haute tête intelligente, dressée et tendue vers la porte de la tente, quelques belles chèvres aux longues soies noires et aux oreilles pendantes, des moutons et des buffles. Presque tous avaient en outre un ou deux magnifiques chiens lévriers, de grande taille et à poils blancs. Ces chiens, contre la coutume des Mahométans, étaient gras et bien soignés. Ils semblaient reconnaître des maîtres, d'où je présume que ces tribus s'en servaient pour la chasse. Les cheiks paraissaient jouir d'une autorité absolue, et le moindre signe de leur part établissait l'ordre et le silence, que le tumulte de notre arrivée avait troublé. Quelques enfants ayant commis, par curiosité, de légères indiscrétions envers nous, ils les firent saisir à l'instant par les hommes qui nous entouraient, et chasser loin de nous, vers un autre quartier du camp. Les hommes étaient généralement grands, forts, beaux et bien faits. Leurs habits n'annonçaient pas la pauvreté, mais la négligence. Plusieurs avaient des vestes de soie mêlées de fils d'or ou d'argent, et des pelisses de soie bleue, doublées de riches fourrures. Leurs armes étaient également remarquables par les ciselures et les incrustations d'argent dont elles étaient ornées. Les femmes n'étaient ni renfermées ni voilées. Elles étaient même à demi nues, surtout les jeunes filles de 10 à 15 ans. Tous leurs vêtements consistaient en un pantalon à larges plis, qui laissait les jambes et les pieds nus. Elles avaient tous des bracelets d'argent au-dessus de la cheville du pied. Le haut du corps était couvert d'une chemise d'étoffe de coton ou de soie, serrée par une ceinture et laissant la poitrine et le cou découverts. Leurs cheveux, généralement très noirs, étaient nattés en longues tresses pendantes jusque sur les talons, et ornés de pièces de monnaie enfilées. Elles avaient aussi les reins et la gorge cuirassés d'un réseau de piastres enfilés, et résonnant, à chaque pas qu'elles faisaient, comme les écailles d'un serpent. Ces femmes n'étaient ni grandes, ni blanches, ni modestes, ni gracieuses, comme les Arabes syriennes. Elles n'avaient pas non plus l'air féroce et craintif des bédouines. Elles étaient en général petites, maigres, le teint hâlé par le soleil, mais gaies, vives, enjouées, lestes, dansant et chantant au son de leur musique, qui n'avaient pas cessé un moment ces airs vifs et animés. Elles ne montraient aucun embarras de nos regards, aucune pudeur de leur presque nudité devant les hommes de la tribu. Les hommes eux-mêmes ne paraissaient pas exercer d'autorité sur elles. Ils se contentaient de rire de leur curiosité indiscrète à notre égard, et les repoussaient avec douceur et en plaisantant. Quelques-unes des jeunes filles étaient extrêmement jolies et piquantes. Leurs yeux noirs étaient teints avec le henné sur le bord des paupières, ce qui donne beaucoup plus de vivacité au regard. Leurs jambes et leurs mains étaient également peintes d'une couleur d'acajou. Leurs dents blanches comme l'ivoire, dont leurs lèvres tatouées de bleu et leur teint et les faisaient ressortir l'éclat, donnaient à leur physionomie et à leur rire un caractère sauvage, mais non pas féroce. Elles ressemblaient à de jeunes provençales ou à des napolitaines, avec le front plus haut, les allures plus libres, le sourire plus franc et les manières plus naturelles. Leurs figures se gravent profondément dans la mémoire, parce qu'on ne voit pas deux fois des figures de ce caractère. Il y avait autour de nous un cercle de 100 ou 200 personnes de la tribu. Quand nous eûmes bien contemplé leur camp, leurs figures et leurs ouvrages, nous fîmes signe que nous désirions remonter à cheval. Aussitôt nos chevaux nous furent amenés. Comme ils étaient effrayés par l'aspect étrange, les cris de cette foule et les sons des tambourins, le cheikh fit prendre Julia par deux de ses femmes, qui la portèrent jusqu'au bout de la forêt. La tribu entière nous accompagna jusque-là. Nous remontâmes à cheval, ils nous offrirent une chèvre et un jeune chameau en présent. Nous n'acceptâmes pas, et nous leur donnâmes nous-mêmes une poignée de piastres turcs que les jeunes filles se partagèrent pour ajouter à celle des colliers, et deux gazis d'or aux femmes du cheikh. À peu de distance de la forêt, nous retrouvâmes le fleuve, nous le traversâmes à gué. Sous les lauriers roses qui le bordent, nous rencontrâmes encore une centaine de jeunes filles de la tribu des Kurdes, qui revenaient de Beyrouth, où elles étaient allées acheter des jarres de terre et quelques pièces d'étoffe pour une fiancée de leur tribu. Elles s'étaient arrêtées là, et dansaient à l'ombre, tenant chacune à la main des objets du ménage ou de la parure de leur compagne. Elles nous suivirent longtemps en poussant des cris sauvages, et en s'attachant à la robe de Julia et à la crinière de nos chevaux, pour obtenir quelques pièces de monnaie. Nous leur en jetâmes, elles s'enfuirent, et se précipitèrent toutes dans le fleuve pour regagner le camp. Après avoir traversé le Nahr Beyrouth et l'autre moitié de la plaine cultivée, et ombragé de jeunes palmiers et de pins, nous entrâmes dans les collines de sable rouge qui s'étendent à l'orient de Beyrouth, entre la mer et la vallée du fleuve. C'est un morceau du désert d'Égypte, jeté au pied du Liban et entouré de magnifiques oasis. Le sable en est rouge comme de l'ocre, et fin comme une poussière impalpable. Les Arabes disent que ce désert de sable rouge n'est pas apporté là par les vents ni accumulé par les vagues, mais vomi par un torrent souterrain qui communique avec les déserts de Gaza et de El Arish. Ils prétendent qu'il existe des sources de sable comme des sources d'eau. Ils montrent, pour confirmer leur opinion, la couleur et la forme du sable de la mer, qui ne ressemble en rien en effet à celui de ce désert. La couleur est aussi tranchée que celle d'une carrière de granit et d'une carrière de marbre. Quoi qu'il en soit, ce sable, vomi par des fleuves souterrains ou semé là par les grands vents d'hiver, s'y déroule en nappes de 5 à 6 lieues de tour, et élève des montagnes ou creuse des vallées qui changent de forme à chaque tempête. À peine a-t-on marché quelque temps dans ces labyrinthes ondoyants, qu'il est impossible de savoir où l'on se trouve. Les collines de sable vous cachent l'horizon de toutes parts. Aucun sentier ne subsiste sur la surface de ces vagues. Le cheval et le chameau y passent, sans y laisser plus de traces qu'une barque n'en laisse sur l'eau. La moindre brise efface tout. Quelques-unes de ces dunes étaient si rapides que nos chevaux pouvaient à peine les gravir, et nous n'avancions qu'avec précaution, de peur d'être engloutis par les fondrières, fréquentes dans ces mers de sable. On n'y découvre aucune trace de végétation, si ce n'est quelques gros oignons de plantes bulbeuses qui roulent de temps en temps sous les pieds des chevaux. L'impression de ces solitudes mobiles est triste et morne. C'est une tempête sans bruit, mais avec toutes ces images de mort. Quand le simoun, vent du désert, se lève, Ses collines ondoient comme les lames d'une mer, et, se repliant en silence sur leur profonde vallée, engloutissent le chameau des caravanes. Elles s'avancent tous les ans de quelques pas, sur les parties de terre cultivées qui les environnent, et vous voyez sur leur bord des têtes de palmiers ou de figuiers qui se dressent desséchées sur leur surface, comme des mâts de navires engloutis sous les vagues. Nous n'entendions aucun bruit que la chute lointaine et lourde des lames de la mer qui brisait à une lieue de nous contre les écueils. Le soleil couchant teignait la crête de ces montagnes de poussière rouge d'une couleur semblable au fer ardent qui sort des fournaises, où, glissant dans ces vallées, il les inondait de feu, comme les avenues d'un édifice incendié. De temps en temps, en nous retrouvant au sommet d'une colline, nous découvrions les cimes blanches du Liban, où la mer avec sa lisière d'écume bordant les longues côtes sinueuses du golfe de Saïd. Puis nous replongions tout à coup dans les ravines de sable, et nous ne voyions plus que le ciel sur nos têtes. Je suivais Julia, qui se retournait souvent vers moi avec son beau visage tout coloré d'émotion et de fatigue, et je lisais dans ses yeux, dont le regard semblait m'interroger, ses impressions mêlées de terreur, d'enthousiasme et de plaisir. Le bruit de la mer augmentait, et nous annonçait le rivage. Nous le découvrîmes tout à coup, élevé, escarpé à pic sous les pieds de nos chevaux. Il dominait la Méditerranée de 200 pieds au moins. Le sol, solide et sonore sous nos pas, quoique recouvert encore d'une légère couche de sable blanc, nous indiquait le rocher succédant aux vagues de sable. C'était le rocher en effet qui borde toutes les côtes de Syrie. Nous étions arrivés par hasard à un des points de cette côte où la lutte de la pierre et des eaux présente à l'œil le plus étrange spectacle. Le choc répété des flots ou des tremblements de terre ont détaché en cet endroit, du bloc continu de la côte, d'immenses collines de roches vives qui, roulées dans la mer et ayant pris leur aplomb, ont été usées, polies, léchées par les vagues depuis des siècles, et ont affecté les formes les plus bizarres. Il y avait devant nous, à une distance d'environ 100 pieds, un de ces rochers debout, sortant de la mer et dressant sa crête au-dessus du niveau du rivage. Les vagues, en le frappant sans cesse, avaient fini par le fendre dans son milieu, et par y former une arche gigantesque, semblable à l'ouverture d'un monument triomphal. Les parois intérieures de cette arche étaient polies et luisantes comme le marbre de Carrare. Les vagues, en se retirant, laissaient voir ces parois à sec, toutes ruisselantes de l'écume qui retombait avec les flots. Puis au retour de la lame et elle s'engloutissait, avec un bruit de tonnerre, dans l'arche, qu'elle remplissait jusqu'à la voûte. Et, pressées par le choc, elles en jaillissaient en un torrent d'écume nouvelle qui se dressait comme des langues furieuses jusqu'au sommet du rocher, d'où elles retombaient en chevelure et en poussière d'eau. Nos chevaux frissonnaient d'horreur à chacun de ces retours de la vague, et nous ne pouvions arracher nos yeux de ce combat des deux éléments. Pendant une demi-heure de marche, la côte est inondée de ces jeux magnifiques de la nature. Il y a des tours crénelées toutes couvertes de nids d'hirondelles de mer, des ponts naturels joignant le rivage et les écueils, et sous lesquels vous entendez, en passant, mugir les lames souterraines. Il y a, dans certains endroits, des rochers percés par le refoulement des vagues, qui laissent jaillir l'écume de la mer sous nos pieds comme des tuyaux de jet d'eau. L'eau s'élève à quelques pieds de terre en immense colonne, puis rentrant en murmurant dans ses abîmes, lorsque le flot s'est retiré. La mer était forte en ce moment. Elle arrivait en larges et hautes collines bleues, se dressait en crêtes transparentes en approchant des rochers, et écroulée avec un tel fracas que la rive en tremblait au loin, et que nous croyions voir vaciller l'arche marine que nous contemplions devant nous. Après les solitudes silencieuses et terribles que nous venions de traverser, l'aspect sans borne d'une mer immense et vide de bâtiments, à l'heure du soir où les premières ombres commencent à brunir ces abîmes, ces cassures gigantesques de la côte, et ce bruit tumultueux des vagues qui roulaient des rochers énormes, comme les pattes de l'oiseau font rouler des grains de sable, ces coups de la brise sur nos fronts, sur la crinière de nos chevaux, ces immenses échos souterrains qui multipliaient les mugissements sourds de la tempête, tout cela frappait nos âmes d'impressions si diverses, si solennelles, si fortes, que nous ne pouvions plus parler, et que des larmes d'émotion brillaient dans les yeux de Julia. Nous rentrâmes en silence dans le désert de sable rouge, nous le traversâmes dans sa partie la plus étroite, en nous rapprochant des collines de Beyrouth, et nous nous retrouvâmes, au soleil couché, sous la grande forêt de pins de l'émir Fakhr el-Din. Là, Julia, retrouvant la voix, se tourna vers moi, et me dit avec ivresse, « N'est-ce pas que j'ai fait la plus belle promenade qu'il soit possible de faire au monde ? Oh, que Dieu est grand, et qu'il est bon pour moi, ajouta-t-elle, de m'avoir choisi pour me faire contempler si jeune de si belles choses. Il était nuit quand nous descendîmes de cheval à la porte de la maison. Nous projetâmes d'autres courses pour les jours qui nous restaient avant le voyage à Damas. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.